Bon, vous voulez toujours chanter quelque chose? Bon, juste un bout, hein. C'est une chanson qui a un intérêt historique, parce que je sais que nous fêtons actuellement dans l'Allégresse le 70e anniversaire du début de la bataille de Verdun, qui fut une des plus jolies batailles. Et alors, imaginez... Non, ce que je vous dis est complètement vrai, sinon ça n'a strictement aucun intérêt. Imaginez qu'au moment de Verdun, le commandement militaire français a demandé à M. Théodore Botrel, qui était plus con que breton, on peut dire ça, hein, d'écrire sur une musique de Vincent Scotto, qui n'était pas non plus un imbécile puisqu'il a aidé à la carrière de Tino Rossi. Vincent Scotto qui avait fait la petite tonkiki, tonkiki, tonkinoise que les plus séniles d'entre vous ont dû entendre. L'armée a donc demandé à Théodore Botrel de composer une chanson à la gloire de la mitrailleuse afin d'inciter nos petits jeunes gens à aller plus gaiement se faire éventrer sur les champs de bataille. Et alors, donc, Botrel a composé une chanson qui s'appelle non pas la petite Tonkiki, mais la petite Mimi. Donc voici un petit bout. Et imaginez bien donc, que c'est les piou-piou, les soldats de ton âge qui partaient comme ça en chantant ça. Hein ? Je chante a cappella, hein. Ça veut pas dire dans la chapelle, hein. Ils sont nuls. À la guerre, on ne peut guère trouver où placer son cœur. Et j'avais du vague à l'âme de vivre ainsi sans petite femme. Quand l'autre semaine, j'eus la veine d'être nommé mitrailleur, ma mitrailleuse au bonheur devint pour moi l'âme sœur. Quand elle chante à sa manière, ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta, ah que son refrain m'enchante, c'est comme un oiseau qui chante. Je l'appelle ma glorieuse, ma petite Mimi, ma mitrailleuse. Rosalie me fait les 12 yeux, mais c'est elle que j'aime le mieux. Plein d'adresse, c'est érotique le deuxième couplet. Plein d'adresse. Je l'agresse, je l'astique et je la polie, de sa culasse jolie à sa petite gueule chérie. Très habile, je l'enfile et tendrement je lui dis, jusqu'au bout restons unis pour le salut du pays. Quand elle chante à sa manière, ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta, ah que son refrain m'enchante, c'est comme un oiseau qui chante. Je l'appelle ma glorieuse, ma petite Mimi, ma petite Mimi, ma mitrailleuse. Rosalie me fait les 12 yeux, mais c'est elle que j'aime le mieux. Bon, je passe la boucherie et je vous fais le dernier couplet. Le dernier couplet qui est... Ça finit mal, hein. Je vous préviens, les militaires sensibles, tiendraient pas. Hein. C'est très dur. Mais tout passe et tout lasse, même la guerre et l'un de ces jours, ou bien l'une de ces années, elle sera terminée. Alors vite, ma petite glorieuse, oh mon amour, nous devrons à notre tour nous séparer pour toujours. Après une salve dernière, en te voyant endormie, je te dirai, chère amie, fais dodo ma glorieuse, ma petite Mimi, ma mitrailleuse, et des pleurs mouilleront mes yeux quand je te ferai mes adieux.